Activité 45. 1. Bonjour, Madame Buisson. Je suis le professeur d'histoire de votre fille. Julie, est-ce que tu as ton cahier avec toi? Je veux le montrer à ta maman. 2. Lola, tu es dans ta chambre? Est-ce que tu peux me montrer les explications de ton professeur de dessin, Madame Rossignol? Je ne comprends pas ta note. 3. Clémence, tu veux venir avec moi à la bibliothèque pour étudier pour l'examen d'anglais de tout à l'heure? Bien sûr, Gauthier.